Voilà du raga, les nègres dans des morceaux qui font ratatatata. Au cafard de gun pour faire le gangsta. T'as des souris où ça parle de drogue sur Insta. Tu ne viens pas d'un quartier, ce n'est même pas la peine. Ils vont te dire que tu n'as même pas la musique dans les veines. Ils veulent que le de la misère qui les gangrène. Ils veulent de la violence, ouais, il faut que ça saigne. Mais moi je préfère faire des sons pour te faire danser. Et des mélodies qui te font sourire. Tant que j'ai le rythme parfait pour t'ambiancer. Je sais que t'aimes ça, on va pas se mentir. Allez, la dame, dame, dame. Fuck la musique et baba bon bon bon bon. Où je t'envie à ça ça son son son son. Allez laisse-moi porter par le show. Faut y aller, allez bim. Change style là, mais des paroles de l'autre, on m'a dit sois hostile là. On courage quand tu chantes, que t'as mis des récits là. Des mélodies sont chantes, envoie-nous un missile là. Ils veulent des clips avec des maps en bikini. Que j'arrête de faire, pour que c'est que je porte du Serge au taquini. Au fond, je l'ai bien compris, je le sais, ouais, toi t'as qu'une idée. En tête, c'est de me faire changer, moi ça je ne veux pas. Mais moi je préfère faire des sons pour te faire danser. Et des mélodies qui te font sourire. Tant que j'ai le rythme parfait pour t'ambiancer. Je sais que t'aimes ça, on va pas se mentir. Allez, la donne, donne. Don don don, fuck la musique et baba bon bon bon bon. Où je t'en perds ça ça son son son son. Allez laisse-toi porter par le son, faut y aller, allez. Que ce qui à toi te plaît pas à tout le monde. Hey yo, il faut que tu apprennes. Que ce qui à toi te plaît pas à tout le monde. Ça fait 10 ans que tu me connais. Je gratte à toi, je peux faire ce que j'aime. Non, non, ne fais pas l'étonner. C'est parce que Jésus restait le même. Car j'aime toujours faire des sons pour te faire danser. Et des mélodies qui te font sourire. T'inquiète, j'ai le rythme parfait pour t'ambiancer. Je sais que t'aimes ça, on va pas se mentir. Allez, don, don, don, don, don. Quand la musique est baba bon bon braban. Où je t'en perds ça ça zon zon zon zon. Allez laisse-toi porter par le son. Faut y aller, I love it.